Cette ligne discontinue, faite de pointillés serrés, est une ligne de dissuasion qui est toujours placée au niveau des sorties, sur les voies rapides ou sur autoroute. Son rôle est alors d'interdire aux usagers se trouvant sur la voie de gauche de se rabattre pour prendre la sortie. Mais elle n'interdit pas le dépassement. Personne ne vient derrière moi sur la voie de gauche. Je peux dépasser. Réponse A.